إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, on commence le cours numéro 20 dans la série de Al-Mulakhas Al-Fiqhi et nous sommes arrivés aujourd'hui au chapitre. C'est Babun fi Sunan al-Ratiba ma' al-Fara'id. C'est-à-dire le chapitre au sujet des Sunan, des prières surérogatoires qui sont avant et après chaque prière obligatoire. Donc le cheikh il dit i'lam ayyuha al-ikhwan anna as-sunan ar-ratiba yata'akkadu fi'luha wa yukrahu tarkuha wa man dawama ala tarkiha saqatat 'adalatuhu 'inda al-a'imma وأثم بسبب ذلك لأن المداومة على تركها تدل على ضعف في دينه وعدم مبالاته. Le cheikh il dit sachez ô mes frères que les prières qui sont des prières surérogatoires avant et après chaque prière, il faut les faire. C'est quelque chose qui est important à faire. Et c'est détestable de les abandonner ou de ne pas les faire. Et celui qui les abandonne constamment, c'est-à-dire il cesse toujours de, c'est-à-dire il les fait presque jamais ou il les fait pas, eh ben c'est comme si sa fiabilité tombe. C'est, il perd sa fiabilité en tant que témoin selon les imams de l'islam. Et c'est un péché en réalité pour lui du fait qu'il abandonne les prières surérogatoires avant et après les prières obligatoires. Pourquoi? Parce que le fait qu'il continue à les abandonner et il persiste à ne pas les faire, eh bien, ça montre en réalité qu'il a une faiblesse dans sa religion et qu'il, c'est comme si on montre, ça montre en même temps une certaine négligence et un manque d'intérêt. Le شيخ dit وجملة السنن الرواتب عشر ركعات بيانها كالتالي ركعتان قبل الظهر وعند جمع من العلماء أربع ركعات قبل الظهر فعليه تكون جملة السنن الرواتب 12 ركعة. Donc le شيخ dit que voici le nombre des sunan, rawatib, qui sont devant et après certaines prières obligatoires. Eh ben, on les explique telles quelles, c'est environ 10 rak'at. Et le cheikh il dit que c'est 2 rak'at avant la prière de Dhuhr, et selon certains ulama, c'est 4 rak'at avant la prière de Dhuhr. Et selon ceux qui disent que c'est 4 avant Dhuhr, eux, ils ont déterminé donc au lieu de 2, c'est 4 avant la prière de Dhuhr. Ils ont calculé le total de rak'at pour la journée comme étant 12 rak'at par rapport aux sunan des rawatib, des choses, des sunan avant et après les prières obligatoires. Donc c'est soit deux ou quatre avant la prière de Dhuhr, et deux rak'at, hein, le cheikh dit rak'atan ba'd al-Dhuhr, wa rak'atan ba'd al-Maghrib, wa rak'atan ba'd al-Isha, wa rak'atan qabla al-Fajr, wa ba'd tulou' al-Fajr. Donc c'est deux rak'at après le Dhuhr, deux rak'at après le Maghrib, deux rak'at après l'Isha, et deux rak'at avant la prière de Fajr et après le lever de l'aube. Après le lever de l'aube. Non, avant l'aube et après l'aube. Non, pardon. Deux rak'at avant la prière de Fajr et deux rak'at avant la levée de l'aube, avant l'avenue de l'aube. Le cheikh dit ensuite, والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن طلع الفجر صلى ركعتين وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه. Donc la preuve de ces rawatib telles qu'on les a mentionnées, hein, les prières surérogatoires qu'on fait avant ou après certaines prières, on les appelle ar-rawatib. C'est le pluriel de ratiba. Okay? Et yani, donc, le détail tel qu'on les a mentionnés, deux avant dhuhr, yani, deux avant dhuhr, deux après dhuhr, deux après le maghrib, deux après l'isha, et deux avant le fajr, et deux après le fajr, ou deux après la levée de l'aube, dans ce cas-là, il dit que ça s'est prouvé par le hadith de Ibn Omar, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit que il a mémorisé du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 rak'at, c'est-à-dire 2 rak'at avant le Dhuhr et 2 après le Dhuhr, 2 rak'at après le Maghrib dans sa maison et 2 rak'at après l'Isha dans sa maison, c'est-à-dire qu'il priait chez lui, et 2 rak'at avant le Subh, c'est-à-dire avant l'aube, et c'était une heure que personne n'entrait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette heure-là, c'est-à-dire après l'aube, personne n'entrait chez lui, et donc c'est Hafsa, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a informé que lorsque le muadzin faisait l'adhan et que l'aube s'était levée, il priait 2 rak'at chez lui. Donc ça c'est muttafaqun alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le cheikh dit ensuite, wa fi sahih Muslim an Aisha radiyallahu anha kana yusalli qabla adh-dhuhr 4 fi baytihi thumma yakhruju fa yusalli bin-nas thumma yarji'u ila baytihi fa yusalli rak'atayn. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim, et Al-Bukhari il l'a rapporté mais avec des petites variations, mais c'est le même hadith, sauf que yani, il dit kana la yad'u ahadan qabla adh-dhuhr, kana la yad'u ahadan qabla adh-dhuhr, il évitait personne avant le dhuhr. Naam. Donc Aïcha elle dit quoi dans ce hadith qui est rapporté par Sahih Muslim? Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait 4 rak'at dans sa maison avant la prière de dhuhr, et puis ensuite il sortait et il priait la prière obligatoire avec les gens, il les guidait dans la prière, puis lorsqu'il retournait chez lui, il priait encore 2 rak'at surérogatoires chez lui. Donc il faisait 4 avant d'aller à la mosquée chez lui, et il priait 2 rak'at en retournant chez lui par la suite. Et le cheikh il dit, « Fayu khadu min hada أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد وذلك لمصالح تترتب على ذلك. Donc le cheikh il dit que à partir de ce qu'on a mentionné dans les hadiths qu'on a mentionné précédemment, les deux hadiths, on peut comprendre que la prière surérogatoire qu'on fait dans la maison, c'est plus, ça a plus de valeur et c'est plus méritoire que la prière qu'on fait à la mosquée. La prière surérogatoire qu'on fait à la mosquée, c'est mieux de les faire à la maison en réalité. Et il y a beaucoup de raisons pour ça. Toutefois, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui négligent ça. Ils font les sunan toutes à la mosquée. Et à la maison, ils ne font pas de sunan. Et ça, c'est quelque chose de contraire à la sunna en réalité. Bien sûr, c'est pas interdit de faire la sunna à la mosquée. Toutefois, c'est préférable de le faire à la maison. Le cheikh, il dit, parmi les raisons pourquoi c'est mieux de le faire à la maison, il dit, منها البعد عن الرياء والإعجاب ولإخفاء العمل عن الناس. Donc le cheikh, il dit que parmi les raisons pourquoi c'est mieux de le faire à la, de faire les sunan à la maison, c'est que on s'éloigne de riya, c'est-à-dire de faire des actions dans le but de se faire voir et de recevoir des glorifications de la part des gens. Ou bien également parmi les raisons qu'il a mentionné le cheikh, il dit que aussi du fait que il y a al-i'jab. C'est quoi l'i'jab? C'est quand quelqu'un est yani ébloui lui-même par ses propres actions. Il se trouve lui-même pieux yani. Donc ça c'est quelque chose qui est dangereux aussi, que quelqu'un se dit à lui-même, ah comme je suis vertueux, comme je prie beaucoup et tout. Donc ça c'est dangereux yani, quelqu'un commence à se penser bon yani dans ce sens-là. Également il y a l'ikhfa al-amal an-nas, c'est-à-dire c'est toujours recommandé de cacher nos bonnes œuvres des regards des gens, de faire nos bonnes actions en cachette, hein, de faire nos bonnes actions en cachette et de ne pas laisser les gens voir nos bonnes œuvres, de les faire en cachette. Lorsqu'on les fait en cachette comme ça, c'est plus pur dans l'intention et c'est plus propice qu'un ici, on peut augmenter la valeur de nos œuvres et faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala les accepte. Donc ça c'est le premier point qu'il a mentionné, ces trois choses-là. Ensuite il dit وَمِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِتَمَامِ الْخُشُوعِ وَالْإِخْلَاصِ. Il dit que également c'est une chose qui aide à, et qui est une cause dans le fait que tu vas avoir une concentration plus profonde et plus une plus grande sincérité dans ton action. Non, ça c'est bien entendu. Yani, par rapport à si quelqu'un par exemple a une petite maison 1,5, nous on dit 1,5 ici, mais c'est à dire une chambre, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien, il n'y a pas de place pour bouger, rien pour faire la prière, c'est sûr que dans ce cas là peut-être que c'est plus difficile à faire la prière dans sa maison, mais on voit toujours par rapport à la réalité, ou dans le sens que selon notre situation yani. Ensuite, le cheikh dit ومنها عمارة البيت بذكر الله والصلاة التي بسببها تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان وقد قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. Donc ça c'est un hadith également rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le cheikh il dit que comme raison également pourquoi c'est mieux de prier la sunna, de faire les sunna à la maison, c'est que le fait que tu pries à la maison, ça fait en sorte que tu mentionnes le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et la salat dans la maison, et ça c'est une cause pour la descente de la miséricorde sur ta maison. Et le fait que tu t'éloignes des shayatin, c'est-à-dire tu éloignes de ta maison les diables. Et également il dit le cheikh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites une partie de vos prières pour vos, dans vos maisons. Faites une partie de vos prières ou bien certaines de vos prières à la maison et ne rendez pas vos maisons ou ne faites pas que vos maisons soient comme des tombeaux, comme des tombes. D'accord? Donc dans ce hadith-là, on a la preuve qu'il faut prier dans nos maisons et que c'est quelque chose de bien. Ça fait en sorte que il y a le rappel d'Allah qui soit mentionné chez nous et ça éloigne les shayatines. Et en même temps, il y a la preuve dans ce hadith que c'est interdit de prier dans les cimetières là où il y a des tombes. Hein? Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne faites pas vos maisons comme les tombes. Et donc, on vous l'a dit, priez dans vos maisons et ne faites pas comme si vos maisons seraient des cimetières. Ça veut dire parce qu'on n'a pas le droit de prier dans les cimetières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également « وَاَكِدُوا هَذِهِ الرَّوَاتِبِ رَكْعَةَ الْفَجْرِ » لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمْ يَكُنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلْ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Donc, avant d'expliquer ce point-là, il y a un point que je veux mentionner aussi, c'est que parfois le shaitan, il peut jouer un tour à certains en leur faisant dire, bon, par exemple, si prier dans la maison, la sunna, c'est toujours mieux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prient pas à la mosquée, puis ils ne prient pas à la maison. C'est-à-dire, ils rentrent à la maison, puis ils ne prient pas. Et quand ils sont à la mosquée, ils ne veulent pas prier les deux rakat parce qu'ils se disent, bon, la sunna, c'est mieux de prier à la maison, donc je ne vais pas faire mes deux rakat à la mosquée. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Ces gens-là, ils ne prient pas ni à la mosquée, ni à la maison. Et ça, c'est grave. Dans le sens que, yani, c'est comme s'ils se sont éloignés de faire les rakatines par excuse ou par prétexte que, yani, ils voulaient suivre la sunna, ils voulaient faire la sunna. Mais en même temps, c'était un prétexte ou une raison par laquelle ils ont utilisé ça comme raison pour justement lorsqu'ils arrivent chez eux, ben ils savent qu'ils vont pas la faire. Donc c'est dans ce cas-là, si tu penses que lorsque tu vas aller chez toi, tu vas pas la faire, c'est préférable de la faire à la mosquée que de pas la faire du tout. D'accord? Et Annie, donc il y a ce point-là. Parfois, des fois, c'est important de s'en souvenir. Et le fait que tu fasses ces rawatib également, hein, comme on va expliquer plus tard, ça aide justement à compenser pour les erreurs et les faiblesses qui ont été présentes dans nos prières obligatoires. D'accord? Ça compense. Donc le cheikh il dit que parmi les rawatib, les sunan rawatib les plus importantes, hein, il y a les deux rakat qu'on fait avant le fajr, ok, avant la prière de fajr. À cause du hadith de Aïcha radiallahu anha apporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'accrochait à aucune nafila, aucune prière surérogatoire autant qu'il le faisait pour les deux rakat de fajr. C'est-à-dire les deux rakat de fajr, c'était les sunan, ou parmi les nawafil, c'était celle à laquelle il s'accrochait le plus fermement et qu'il n'abandonnait jamais, il ne le laissait jamais. Wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam rak'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les deux rak'at de fajr, elles sont meilleures que la dunya et tout ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est l'importance et la valeur de ces deux rakats-là qu'on peut considérer parfois avec un peu de négligence et on ne voit pas leur importance. Pourtant, pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle a une grande valeur. Et le cheikh il dit « وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَافِذُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْوِتْرِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ » Donc le cheikh il dit que à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement que c'était important pour lui, il les faisait tout le temps, même dans le voyage, même quand il était en voyage. Et donc, le witr et les deux rak'at de fajr, il ne les abandonnait jamais, même dans le voyage. Et ça, c'est bien sûr, on peut le comprendre en lisant les hadiths et tout ça, on réalise que même en voyage, il le faisait. Et le cheikh il dit ensuite, amma ma ada rak'atay al-fajr wal-witr min ar-rawatib, falam yunqal 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu salla ratibatan fi as-safar ghayra sunnat al-fajr wal-witr. Le cheikh il dit, en ce qui concerne, ou bien en dehors des deux rak'at de fajr et de la sunna de witr, parmi les rawatib, il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait une autre prière surérogatoire ou d'autres en dehors de ces deux-là dans le voyage. C'est-à-dire en dehors des deux rak'at de fajr et la sunna de witr, il n'y s'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage faisait ces prières-là, autres que ces deux prières-là. Et le cheikh il dit, وقال ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن سنة الظهر في السفر قال لو كنت مسبحا لأتمت. نعم. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Abu Dawood, et ça dit que on a demandé à Ibn Umar, Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, au sujet des deux rak'at qui sont sunnah avant la prière de Dhuhr, est-ce qu'il les fait dans le voyage ou bien au sujet de les faire durant le voyage. Et il a répondu dans ce qui signifie que si je les faisais, alors dans ce cas-là c'est comme si j'avais complété ma prière, et donc c'est comme s'il avait, parce qu'on sait qu'en voyage au lieu de faire 4 rak'at pour la prière de Dhuhr, on fait seulement 2. Donc en voulant dire si je fais les deux rak'at de la sunna, c'est comme si j'ai complété les 4 rak'at. Toutefois, j'écoutais dernièrement un cours du Cheikh Rabi' et il expliquait que même parfois, ça a été rapporté de certains sahaba qu'ils faisaient les prières même en voyage. Donc il faut voir aussi la situation parfois, comme on dit, après le Cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim qui dit « وَكَانَ مِنْ هَدِيهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي سَفَرِهِ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْفَرْضِ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ سُنَّةَ الصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْوِتْرِ وَسُنَّةِ الْفَجْرِ. Ça c'est rapporté dans Zad al-Ma'ad, c'est les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en voyage, il gardait seulement les prières obligatoires, il ne faisait pas les autres. Et on n'a pas mentionné à son sujet qu'il faisait d'autres que les prières obligatoires, donc il ne faisait pas des sunnahs avant ou après la prière, excepté le witr et la sunnah, c'est-à-dire la sunnah de Fajr, les deux rak'a qu'on fait avant Fajr. Donc ça c'est les paroles de l'imam. Et comme je disais tout à l'heure, le Cheikh Rabi il a mentionné que certains sahaba, ça a été mentionné à leur sujet, qu'en voyage parfois ils faisaient des sunan. Ok. Et puis donc c'est pour voir la situation parfois, ça dépend des cas. Il disait qu'il avait vérifié qu'il avait fait une recherche sur ce sujet-là, puis qu'il avait il avait découvert que en réalité s'est permis de faire les sunan même quand on est en voyage. Donc dans ce sens-là, on dirait que ce serait pas interdit de le faire. Ce serait pas interdit de le faire. Le cheikh il dit ensuite, والسنه تخفيف ركعتي الفجر لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاه الصبح. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est muttafaq alayh, rapporté par al-Bukhari et Muslim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith rapporté par Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allégeait les deux rak'at qu'il faisait avant la prière de subh, avant la prière obligatoire de subh. Donc il les faisait légères, c'est-à-dire il ne les faisait pas longues, il les faisait assez courtes. Et le cheikh il dit, « وَكَانَ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. » C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait dans la première raka'a de la sunna de Fajr, après avoir lu Al-Fatiha, il lisait Qul ya ayyuha al-kafirun, la surah, et la deuxième surah, il lisait Qul huwa Allahu ahad, c'est-à-dire dans surah Al-Ikhlas. Donc il récitait ces deux surahs. La surah dans la première raka'a, Qul ya ayyuha al-kafirun, et dans la deuxième, Qul huwa Allahu ahad. Et, ou bien, qu'est-ce qu'il faisait, comme le cheikh il dit, ou yaqra fil oula minhuma, qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna, et dans la deuxième, il disait, ou fi sura, allati fi surat al-baqara, yaqra'u fi raka'a, wa yaqra'u, naam, wa yaqra'u fi raka'ati thaniya, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. Donc ça veut dire que il lisait dans la première raka'a, parfois dans la sunna de Fajr, il récitait le verset 136 dans Al-Baqarah, ou bien il récitait le verset, et puis dans la deuxième, il récitait le verset 64 de Ali Imran. Donc, soit il lisait, comme on a dit tout à l'heure, Qul ya ayyuha al-kafirun et Qul huwa Allahu ahad, ou bien il lisait Qul amanna billahi wa ma unzila ilayna, et dans la deuxième, Qul ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalimatin sawa. Donc, le Cheikh dit, wa kadhalika yaqra'u fi rak'atayn ba'da al-maghribi bil-kafirun. والإخلاص لما روي أو لما روى البيهقي والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. Donc il dit que également dans les deux rak'at qu'on fait après le maghrib, il dit que ça a été rapporté que le professeur sallam récitait Qul ya ayyuhal kafirun dans la première et Qul huwa Allahu ahad dans la deuxième raka'a après le maghrib, comme il le faisait parfois après dans les deux raka'a de Fajr. Et ça c'est yani, rapporté par Tirmidhi et Al-Bayhaqi, et Abu Huraira il a mentionné sa signification dans Sahih Muslim, c'est mentionné. Donc ensuite le cheikh il dit وإذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يسن لك قضاؤه وكذا إذا فاتك الوتر من الليل فإنه يسن لك قضاؤه في النهار لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر حين شغل عنهما ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه النص. Donc le cheikh qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que si par exemple t'as manqué une de tes sunan rawatib durant la journée, eh bien, le cheikh il dit que c'est permis de les refaire, de les reprendre plus tard. Par exemple, si tu as manqué la sunna de witr, comme il dit, eh bien, par exemple, si lorsque c'est la nuit, tu as manqué la sunna de witr, c'est permis de la reprendre durant le jour. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris les deux rak'at de witr. A repris la rak'at de witr et il a repris la rak'at de fajr, les deux rak'at de fajr après le fajr et les deux rak'at après le zohr, parfois il les reprenait après le asr, hein. Donc ça montre en réalité que parfois le prophète sallam il pouvait reprendre certaines prières. Les deux rak'at de fajr par exemple, c'est mentionné dans un hadith dans Sahih Muslim selon Abi Huraira, et les deux rak'at après le zohr, quand il les avait pas fait, il les a repris après l'Asr, et ça s'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Et donc le cheikh il dit qu'on peut donc faire une analogie en se basant sur ces exemples-là et l'appliquer à tous les autres prières qu'on a manquées, qui sont parmi les prières surérogatoires durant la nuit ou durant la journée. Et le cheikh il mentionne un autre hadith qui est sahih également, rapporté par At-Tirmidhi et Abi Daoud. Et le cheikh Al-Albani il le mentionne le numéro 422 dans Irwa Al-Ghalil. Il dit que c'est un hadith sahih. Il dit que le hadith dit قال صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكره. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a dormi et donc il a manqué le witr à cause du sommeil ou bien par oubli, non, il a manqué le witr à cause du sommeil ou bien à cause de l'oubli, dans ce cas-là, qu'il la fasse lorsqu'il se réveille ou lorsqu'il se souvient. Qu'il la prie lorsqu'il se réveille ou lorsqu'il se souvient. Et le cheikh ensuite dit, wa yuqdi al-witr ma'a shaf'i lima fi as-sahih 'an 'Aisha radiyallahu 'anha. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. Donc c'est ça. Le cheikh il dit que lorsque tu as manqué le witr et que tu le refais non pas une seule rak'a, mais tu le fais deux rak'at, parce que tu le refais durant la journée et non pas durant la nuit. Donc le cheikh il mentionne que le hadith, il y a un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été occupé et qu'il n'avait pas pu donc prier la nuit, soit à cause du sommeil ou bien à cause d'une autre raison, yani. Donc dans ce cas là qu'est-ce qu'il faisait? Il priait durant la journée 12 rak'a. Donc ça veut dire que yani, il faisait un nombre impair, un nombre pair, au lieu de faire un nombre impair, il reprenait le witr, mais il ne le faisait pas impair, il le faisait pair. C'est-à-dire, il faisait deux rak'at au lieu d'une. D'accord? Après le cheikh, il dit, أيها المسلم, حافظ على هذه السنن الرواتب, لأن في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, وقد قال الله تعالى, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الشيخ الزكاء أو توال أو مسلمان. Préserve ces prières qui sont surérogatoires, parce que lorsque tu le fais, tu suis l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il y a certes pour vous en la personne du prophète ou en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un meilleur exemple, mais un bon exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se souvient souvent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite le cheikh il dit wa fil muhafazati ala as-sunan ar-rawatib aydan jabrun lima yahsulu في صلاة الفريضة من النقص والخلل, والإنسان معرض للنقص والخلل وهو بحاجة إلى ما يجبر به نقصه, فلا تفرط بهذه الرواتب أيها المسلم, فإنها من زيادة الخير الذي تجده عند ربك. وهكذا كل فريضة تشرع إلى جانبها نافلة من جنسها كفريضة الصلاة وفريضة الصيام وفريضة الزكاة وفريضة الحج, كل من هذه الفرائض يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها تجبر نقصها وتصلح خللها, وهذا من فضل الله على عباده حيث نوع لهم الطاعات ليرفع لهم الدرجات ويحط عنهم الخطايا. نسأل الله لنا جميعا التوفيق لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب. Donc le cheikh il dit que de préserver ses rawatib, c'est quelque chose de bien en fait, parce que lorsque tu le fais, ça fait en sorte que tu répares toutes les choses qui ont été manquées dans ta prière, ou les fautes ou les manquements, Et l'être humain, bien entendu, c'est sûr qu'il fait, qu'il est toujours victime de faiblesse et de faiblesse et de manquement dans sa prière. Sa prière est jamais 100% parfaite. Et donc, il a besoin toujours de façon de réparer ces erreurs-là. Et du fait qu'il applique et qu'il établisse ses prières surérogatoires, eh bien, ça fait en sorte, Inch'Allah, qu'au jugement dernier, ses prières seront acceptées, Inch'Allah. Et donc, il ne faut pas négliger ces prières qui sont surérogatoires. Et donc, il dit que c'est une augmentation et c'est quelque chose qui rajoute du bien dans ta religion et dans ta foi. Et tu vas le retrouver auprès de ton Seigneur au jugement dernier. Et donc, le cheikh dit que pour chaque chose obligatoire dans l'islam, pour chaque adoration que Allah nous a ordonné de faire, il y a toujours un aspect volontaire ou bien surérogatoire dedans qui est apparent ou bien qui est, comparable à sa version ou bien sa forme obligatoire. Comme par exemple, la prière, il y a la prière obligatoire puis il y a la prière qui est surérogatoire. De même que le jeûne, il y a le jeûne qui est obligatoire, il y a le jeûne qui est surérogatoire. Et la même chose pour la zakat, il y a la zakat qui est obligatoire, puis il y a la zakat qui est pas obligatoire, comme as-sadaqa, et puis d'autres formes de façon de donner de nos biens pour les autres. Et il y a également la farida du hajj, c'est-à-dire on peut faire le umrah n'importe quand dans l'année, c'est comme si c'est une forme de hajj, surérogatoire, si on veut, parce que c'est comme un mini hajj, un petit hajj. Et le cheikh dit ensuite, وَكُلٌ مِنْ هَذِهِ الْفَرَائِضِ يُشْرَعُ إِلَى جَنِبِهَا نَافِلٌ مِنْ جِنْسِهَا. Donc c'est ça, pour chaque forme d'obligation, il y a quelque chose qui est comparable. Et donc, le but de ces adorations surérogatoires-là, c'est de corriger et de réparer les erreurs qui ont été faites dans les obligations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça, et c'est un mérite qu'il a, il y en a du fait qu'il fait ça pour le bien de ses serviteurs, et qu'il leur a diversifié les formes d'adoration, et pour qu'il les élève en degré, et pour qu'il efface leurs péchés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner à tous le succès, pour qu'ils puissent faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, et Allah subhanahu wa ta'ala est audient et il exauce les prières. Ensuite, il y a un autre chapitre qu'on va faire aujourd'hui qui est Babun fi salat ad-duha, c'est-à-dire un chapitre au sujet de la prière de duha. Et après, on va s'arrêter, inshallah. Le cheikh, il dit, اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في سنة الضحى أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. Le cheikh a dit que sache aux musulmans que il y a beaucoup de hadiths qui mentionnent la prière de ad-duha, ok. Et parmi les hadiths, il y en a un qui est mentionné dans as-sahihain, dans al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, qui dit que mon bon ami m'a conseillé de faire trois choses. La première, c'est de jeûner trois jours durant le mois. Il m'a conseillé également de faire les deux rak'at de duha, et il m'a également enseigné de faire le witr avant de dormir. Et ça, c'est donc, comme on a dit, rapporté par Bukhari et Muslim. Ensuite, le cheikh, il mentionne le hadith qui en réalité qui n'est pas authentique, qui est da'if. C'est le hadith 460 dans Irwa al-Ghalil. Et ce hadith-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى حتى نقول لا يدعه أو لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. Donc ça c'est un hadith qui est pas fiable. Ça dit que Abu Sa'id al-Khudri a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait ad-duha, il la priait de façon telle qu'on disait il ne l'abandonne jamais ou il ne la laisse jamais, et parfois il la laissait de façon telle à ce qu'on dise il ne la prie jamais. Donc ça c'est un hadith, comme j'ai dit, qui est daïf. Et le cheikh il dit ensuite wa aqallu salati ad-duha rak'atan liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith abi hurayra alladhi dhakarna taqriban au Qariban. Il dit le plus petit niveau, le plus petit nombre de rak'at qu'on peut faire pour la prière de Duha, c'est 2 rak'at. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est rapporté, qu'on a rapporté tout à l'heure au sujet de Abu Huraira, hein, des 3 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé de faire, il a mentionné dans ce hadith-là les 2 rak'at de Duha. Donc ça prouve que le plus petit nombre qu'on peut faire, c'est 2 rak'at. Et à cause du hadith de Anas, radiyallahu anhu, qui dit « Man qa'ada fi musallahu hatta yansarifu min as-subhi hatta yasbihu yasbiha rak'atay al-duha » أو يسبح أن يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر رواه أبو داود. نعم. Donc là le cheikh il mentionne un autre hadith qui est rapporté selon Anas رضي الله عنه, qui est rapporté selon Abu Daoud, par Abu Daoud. Toutefois, j'ai pas pu vérifier son authenticité, mais c'est le hadith 1287 dans Sunan Abi Daoud. Et ce hadith là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui s'assoit dans l'endroit où il a prié et qui ne se lève pas, hein, depuis l'aube, jusqu'à ce que yani il prie les deux rak'at de Duha, eh ben, yani, c'est comme si il dit que tous ses péchés seront pardonnés. Hein. Tant qu'il dit juste du bien, il dit je vais lui pardonner tous ses péchés, même si elles sont plus nombreux, ou même si ses péchés sont plus nombreux que la mousse sur l'océan. Non. Donc ensuite, il dit wa aktharuha thamaniya rak'at. Le plus grand nombre, c'est 8 rak'at, selon le hadith de Hani, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wa lima rawat Hani, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam, am al-fath, salla 8 rak'at, subhat al-duha, et rawahu al-jama'a. Donc ça c'est rapporté par le Bukhari et un musulman et d'autres parmi les imams, et ça dit que le plus grand nombre, comme j'ai dit, le plus grand nombre c'est 8, et c'est un hadith de Hani qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la victoire ou la conquête de la Mecque, il a prié 8 rak'at lors du moment de Ad-Duha. Et également un autre hadith rapporté selon Aïcha par l'imam Muslim, qui dit وَلِي مُسْلِمْ عَنْ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ يُصَلِّ الدُّحَى 4 rak'at وَيُزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. C'est-à-dire que Aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la prière de Duha 8 rak'at et il augmentait tel que Allah subhanahu wa ta'ala le voulait, yani, c'est-à-dire selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que ensuite ووقت الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح يمتد إلى قبيل الزوال أي وقت قيام الشمس بكبد السماء والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم أي حين تحمي الرمضاء تحمي الرمضاوي أي حين تمحي الرمضاء فتبرك الفصال من شدة الحر. Il dit ici que le temps de la prière de Duha, il commence au moment où le soleil commence à s'élever dans le ciel. Après le lever de soleil, le soleil commence à s'élever dans le ciel. Il dit de la distance d'une lance, qadr rumh. Et bien entendu, c'est pas tellement simple à déterminer la distance d'une lance, mais disons que plutôt, il faut que le soleil soit assez élevé dans le ciel. Et le temps de cette prière-là, il commence à ce moment-là et il termine là, au moment où le soleil, un peu avant que le soleil arrive à son zénith, c'est-à-dire au point le plus haut qu'il a dans le ciel. Et ça, c'est avant la prière de Dhuhr. Donc, le cheikh, il dit que le mieux, c'est de la prier lorsque la chaleur devient très intense et on l'appelle la prière des Awwabin, Salatul Awwabin. Lorsque la chaleur devient très très très intense, c'est la prière des gens qui se repentent. Et donc ça c'est mentionné dans un hadith selon Zayd ibn Arqam, et c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Donc alhamdoulillah rabbil alamin, aujourd'hui on va s'arrêter ici.